Leçon 3. Exercice 61. Faire des suggestions. Exemple. Inviter ses voisins à prendre un verre. Et si j'invitais mes voisins à prendre un verre? À vous. Monter une association. Et si on montait une association? Prendre toi et moi un congé. Et si nous prenions un congé? Organiser tous ensemble une grande fête. Et si on organisait tous ensemble une grande fête? Allez voir, toi et moi, le dernier film de Jean Reno. Et si nous allions voir le dernier film de Jean Reno? Conseiller à un ami d'arrêter de fumer. Et si tu arrêtais de fumer ?